Des marionnettes en cire, des pages de sentiments. Venez doucement, venez crier sur la piste. Ce soir pour le plaisir, votre clown est un peu triste. Et je vole, et je croise vos ailes de papillon. Je décolle, je m'amuse avec votre raison. Joie et bonheur dessinent sur vos visages. Traces de chaleur posées sur ce beau nuage. Je vends du bonheur pour quelques instants. Charmant sur les ardeurs de mes arguments. Venez doucement, venez sous mon chapiteau. Ce soir pour le spectacle, votre clown est un peu chaud. Et je vole, et je croise vos ailes de papillon. Je décolle, je m'amuse avec votre raison. Joie et bonheur dessinent sur vos visages. Traces de chaleur posées sur ce beau nuage. Sur ce beau nuage.